ayez pitié de nos malades. Pitié. Les politiciens, ayez pitié. Pitié. Les politiciens, ayez pitié. L'hôpital est triste, les médecins n'ont pas le moral. Pitié, oh, ayez pitié de nos malades. Pitié, les politiciens, ayez pitié. Pitié, les politiciens, ayez pitié. Pitié de nos villages. Pitié. Ayez pitié de nos enfants. Pitié. Ayez pitié de nos vieillards. Pitié. Ayez pitié, pitié de nos parents.